a vu que « ça m'intéresse » se dit « es interessiert mich ». Es correspond à « ça, cela », comme dans « es ist gut », « c'est bon, c'est bien ». Mais pour dire « cela », vous pouvez aussi utiliser « das ». Das, D-A-S, cela, das. Comment diriez-vous « cela m'intéresse beaucoup » ? Das interessiert mich sehr. Das interessiert mich sehr. Et comment diriez-vous « cela ne m'intéresse pas » ? Das interessiert mich nicht. Bien. Das interessiert mich nicht. Quant au mot « intéressant », c'est le même en allemand mais prononcé un peu différemment. Interessant. Es ist interessant. Es ist sehr interessant. La joie en allemand se dit « Freude ». Freude, ça s'écrit F-R-E-U-D-E, comme Freud, Sigmund Freud, mais avec un E à la fin, Freude. Comme pour le mot « heute », les deux lettres EU se prononcent « oi ». Heute, Freude. Freude, c'est la joie. Freude. Pensez à l'hymne européen, l'ode à la joie, de la 9e symphonie de Beethoven. La première phrase dit « Freude, schöne Götterfunken ». Donc « Freude », joie, « schöne Götterfunken », belle étincelle divine. Donc « Freude ». Le verbe correspondant à « Freude » est « se réjouir ». Sich freuen. Sich freuen. À vous de le dire. Freuen. Sich freuen. Sich freuen. Et pour « je me réjouis, je suis content », vous direz Ich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Je me réjouis beaucoup. Au sens de « je suis très content ». Ich freue mich. Vous pouvez aussi dire « cela me réjouit ». Es. Es freut mich. Bien. Es freut mich. Es freut mich sehr. Donc, vous pouvez dire soit « es freut mich sehr », soit « ich freue mich sehr ». Le mot pour « temps », le temps qui passe, pas celui qu'il fait, est « Zeit ». Zeit. Die Zeit, c'est le temps. Zeit, ça s'écrit Z-E-I-T. Zeit. Le Z se prononce toujours T. Zeit. Die Zeitung, ça veut dire le journal. Die Zeitung. On prononce bien à la fin Ung. Le G en fin de mot est prononcé comme un K. Donc on a Zeitung. Die Zeitung. Donc, die Zeit, le temps. Alors, comment diriez-vous « j'ai le temps » ? Ich habe die Ich habe die Zeit. Ich habe die Zeit, oui. Et pour dire « je n'ai pas le temps » ? En allemand, on dira le plus souvent « j'ai aucun temps ». Keine Zeit. Ich habe keine Zeit. À vous, comment dit-on « je n'ai pas le temps » ? Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Kein, keine, ça veut dire pas de, aucun. Keine Zeit, aucun temps. Comme dans Das ist kein Problem. Pas de problème, aucun problème. Das ist kein Problem. Ce n'est pas un problème. Encore une fois, je n'ai pas le temps maintenant, se dit Ich habe keine Zeit. Zeit. Zeit. Quand vous avez un Z, pensez à la mouche tsetse. Tss. Zeit. Zeit. Donc, je n'ai pas le temps maintenant. Ich habe keine Zeit jetzt. Bien. Zeit. Zeit. Ich habe keine Zeit jetzt. Encore une fois. Ich habe keine Zeit jetzt. Oui. Ich habe keine Zeit jetzt. Possible se dit möglich. Et ça désigne ce qui peut être. Möglich. Möglich. M-O-O-M-L-A-U-T-G-L-I-C-H. Möglich. Et possibilité se dit Möglichkeit. Dit Möglichkeit. La possibilité. Les mots qui finissent en kait ou height sont tous associés à die. Comme en français, ceux qui finissent en it ou en ion sont associés à l'article la. Die Möglichkeit. La possibilité. À vous. Comment dit-on la possibilité? Die Möglichkeit. Die Möglichkeit. Oui. Et donc, comment direz-vous je n'ai aucune possibilité? Ich habe keine Ich habe keine Möglichkeit. Ich habe keine Möglichkeit. Après un nom, par exemple, Möglichkeit, possibilité, ou Zeit, temps, et après un adjectif, par exemple, möglich, possible, si vous voulez poursuivre avec un verbe, ce verbe devra être précédé de zu, qui signifie ici de. Par exemple, si vous voulez dire je n'ai pas le temps de le faire, vous direz ich habe keine Zeit. Oui, il faut qu'on entende bien le t à la fin du mot Zeit. Zeit. Ich habe keine Zeit. Bien. De le faire, es, puis le petit mot pour de et enfin le verbe. Es zu tun. Alors, reprenez la phrase entière. Je n'ai pas le temps de le faire. Ich habe keine Zeit, es zu tun. Oui, ich habe keine Zeit, es zu tun. De la même manière, comment direz-vous, ce n'est pas possible de le faire? Es ist nicht möglich. De le faire? Es zu tun. Es ist nicht möglich, es zu tun.